Leçon 5, page 62, activités 2 et 3, piste 53. Regarde le tableau. Oh, il est trop grand, le tableau. Oui, trop grand. De plus, c'est un tableau noir. C'est moche, ce tableau noir. Est-ce que tu aimes le vert? Mais oui, j'aime le vert. Toi aussi, je crois.